okeba mikolo mizali koya mangomba ekozala bebo kotambola na ngele bango nyonso bakoteya kombo ya masiya nzoka na katikati basusu babomisekele elikya na bango sipusa ya mosolo kasi masiya alobaka ozwi ofele pesa mpe ofele e tukuyiba bango na misala na bango nzete ya malamu ekobimisaka mbuma malamu maso bakosalaka na molili ekomona na polele bokeba mikolo mizali koya mangomba ekozala bebo botambola na ngele bango nyonso bakoteya kombo ya masiya nzoka na katikati basusu babomisekele elikya na bango sipusa ya mosolo kasi masiya alobaka ozwi ofele pesa mpe ofele e tukuyiba bango na misala na bango nzete ya malamu ekobimisaka mbuma malamu maso bakosalaka na molili ekomona na polele yesu yaka e yaka yaka yaka noki masiya zonga e zonga olongisa bala na yo yesu yaka e yaka yaka yaka noki masiya zonga e zonga olongisa bala na yo ntango nyonso sikumbu na yo na monoko ndenge nini tokoyebanga bato bazali kotosa na kombo na yo bato bazali kosakana na kombo na yo mokolo yawe ya koya basusu bakobombama e yesu yaka e yaka yaka yaka noki masiya zonga nganga zonga olongisa bala na yo natangi bibilia nayoki sombo mpe mawa na mokala na nzambe na mokala na jérémie chapitre 1er verset 5 bibilia elobi boye avant que je t'eisse formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu fisses sortir de son sang je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations nzambe alobi ayebaki yo ya mbokota na linguma mama na yo mpe atindaki yo na mokili ozala kola porte parole na ye moto akomi na mokili abosani etinda na nzambe akomi kosala makambo esepelisi ye frère oyebi teke bible elobi ete cherche premièrement le royaume et la justice de dieu et le reste vous sera donné par dessus matthieu chapitre 6 verset 33 yoka likambo kembo na nzambe na mokala na 2 Pierre chapitre 2 verset 11 Bible le Bible bien aimé je vous exhorte comme étranger et voyageur sur la terre babengi ngai na yo bapaya nebite ndoko na tuno motuna moko yozo landa loyembo yo soki le longa na longwa na ta kongole na na Bruxelles ba robe ngana ba robe nga mopaya pomboka na ngeza Congo ngana yo nzamba bingiso ba paya na sena mokilo frère o lingo linga te okokufa oza na mbongo za nini yeba suka no eza liwa ma ilo na zole ni sayo mokolo liwe ko ya oyebite mwana tika muta tangi klas atangi klas lelo asisi klas asu diplome lobi na tonga kufi mwa sena mobali babalani lelo basali fete balali lobi na tonga moka kufi moka tikali zamba yana tina klas na yote zamba yana tina diplome na yote lelo kwa zana mtu ya pala nzambi ya kapa na ye alobi na Jacques 4-14 eti vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain mwepite soki lobi lisu kutoboka yo mwepite simakoyo ka loyembo yo lelo onio kokome na yo meyesu zana posa na yo Yaka, Zamba Kumisa. Alléluia. Tangonga la kolaka, na salaka na nga koyenga yenga motambola mimba e, na yebaka Yesu te. Tangonga la kolaka, na salaka na nga koyenga yenga motambola mimba e, na yebaka Yesu te. Lelo na yabi Yesu, na sali kosenga la yo papa. Koleni sayon de kosa iko sambela, kutika ko sambela. Ko mona makamba nzambe lokwa makamba pamba pamba. Kosa na mbongo. Tuse ko sambela, lelo sambela ka lobi na mokili. Lelo pa na nzambe lelo wa konsera mokili. Lokanga. Na mukana de Pierre, chapitre 2 verset 20 à 22. Ma komie lobi na biso boye. En effet, si après être retiré de la cellule du monde par la connaissance du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, et s'y engager de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après avoir connu les sept commandements qui leur avaient été donnés. Il est arrivé un proverbe vrai qui dit: les chiens retournant ce qu'il avait vomi, et la tout lavé se vautrait dans les bourbiers. Frère, malobi hein, tango yebi nzela na nzambe ozongi na mokili pasi ozalaki nango ekokomela ofwade ta bafere no lelo esimbaka lisut ta bademache nyonso osalaka esimbaka lisut mpo otika nzela na nzambe mabe elekaki malamu oyeba nzela na nzambe te ngai na bato oleki malamu tooyoka nzembo oyo te ntango ozoyoka nzembo oyo nzambe alobeli yo zwa desizio opasi okokomela yo fwade mpo na mokaka na jeremi alobi ete ta méchanceté te châtiera, ton infidélité te punira et tu verras, c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et d'avoir de moi aucune crainte. Banganza, Jérémie 2, 19. Kola Komisa. Amen. Grâce à la nationale.